Chapitre 8 du crime. Il faut le dire, quoi qu'on en frémisse, l'amour du crime en lui-même est une passion. Sans doute, ce sont toutes les autres qui conduisent à cet excès, mais quand elles ont entraîné l'homme à un certain terme de scélératesse, l'effet devient la cause, et le crime, qui n'était d'abord que le moyen, devient le but. Cet horrible état demande une explication particulière. Et peut-être faut-il avoir été témoin d'une révolution pour comprendre ce que je vais dire sur ce sujet. Deux liens retiennent les hommes sous l'empire de la moralité, l'opinion publique et l'estime d'eux-mêmes. Il y a beaucoup d'exemples de braver la première en respectant la seconde. Alors le caractère prend une sorte d'amertume et de misanthropie qui exclut beaucoup des bonnes actions que l'on fait pour être regardé, sans anéantir toutefois les sentiments honnêtes qui décident de l'accomplissement des principaux devoirs. Mais dès qu'on a rompu tout ce qui mettait de la conséquence dans sa conduite, dès qu'on ne peut plus rattacher sa vie à aucun principe, quelque facile qu'il soit, la réflexion, le raisonnement étant alors impossible à supporter, il passe dans le sang une sorte de fièvre qui donne le besoin du crime. C'est une sensation physique transportée dans l'ordre moral, et même cette frénésie se manifeste assez ordinairement par des symptômes extérieurs. Robespierre et la plupart de ses complices avaient habituellement des mouvements convulsifs dans les mains, dans la tête. On voyait en eux l'agitation d'un constant effort. On commence à se livrer à un excès par entraînement, mais à son comble, il amène toujours une sorte de tension involontaire et terrible, hors des lignes de la nature, dans quelque sens que ce soit. Ce n'est plus la passion qui commande, mais la contraction qui soutient. Certainement, l'homme criminel croit toujours, d'une manière générale, marcher vers un objet quelconque, mais il y a un tel égarement dans son âme qu'il est impossible d'expliquer toutes ses actions par l'intérêt du but qu'il veut atteindre. Le crime appelle le crime. Le crime ne voit de salut que dans de nouveaux crimes. Il fait éprouver une rage intérieure qui force à agir sans autre motif que le besoin d'action. On ne peut guère comparer cet état qu'à l'effet du goût du sang sur les bêtes féroces, alors même qu'elles n'éprouvent ni la faim ni la soif. Si dans le système du monde, les diverses natures des êtres, des espèces, des choses, des sensations, se tiennent par des intermédiaires, il est certain que la passion du crime est le chaînon entre l'homme et les animaux. Elle est à quelques égards aussi involontaire que leur instinct. Mais elle est plus dépravée, car c'est la nature qui a créé le tigre, et c'est l'homme qui s'est fait criminel. L'animal sanguinaire a sa place marquée dans le monde, et il faut que le criminel le bouleverse pour y dominer. La trace de raisonnement qu'on peut apercevoir à travers le chaos des sensations d'un homme coupable, c'est la crainte des dangers auxquels ses crimes l'exposent. Quelle que soit l'horreur qu'inspire un scélérat, il surpasse toujours ses ennemis dans l'idée qu'il se fait de la haine qu'il mérite. Par-delà les actions atroces qu'il commet à nos yeux, il sait encore quelque chose de plus que nous qui l'épouvante. Il haït dans les autres l'opinion que, sans se l'avouer, il a de son propre caractère. Et le dernier terme de sa fureur serait de détester en lui-même ce qu'il lui reste de conscience et de se déchirer s'il vivait seul. On s'étonne de l'inconséquence des scélérats, et c'est précisément ce qui prouve que le crime n'est plus pour eux l'instrument d'un désir, mais une frénésie sans motif, sans direction fixe, une passion qui se meut sur elle-même. L'ambition, la soif du pouvoir ou tout autre sentiment excessif peut faire commettre des forfaits, mais lorsqu'ils sont arrivés à un certain excès, il n'en est aucun but qu'ils ne dépassent. L'action du lendemain est commandée par l'atrocité même de celle de la veille. Une force aveugle pousse les hommes dans cette pente une fois qu'ils s'y sont placés. Le terme, quel qu'il soit, recule à leurs yeux à mesure qu'ils avancent. L'objet de toutes les autres passions est connu, et le moment de la possession promet du moins le calme de la satiété. Mais dans cette horrible ivresse, l'homme se sent condamné à un mouvement perpétuel. Il ne peut s'arrêter à aucun point limité, puisque la fin de tout et du repos, et que le repos est impossible pour lui. Il faut qu'il aille en avant, non qu'au devant de lui l'espérance apparaisse, mais parce que l'abîme est derrière, et que, comme pour s'élever au sommet de la montagne noire, décrite dans les contes persans, les degrés sont tombés à mesure qu'il les a montés. Le sentiment dominant de la plupart de ces hommes est sans doute la crainte d'être puni de leur forfait. Cependant, il y a en eux une certaine fureur qui ne leur permettrait pas d'adopter les moyens les plus sûrs s'ils étaient en même temps les plus doux. Ce n'est que dans les crimes présents qu'ils cherchent la garantie des crimes passés. Car toute résolution qui tendrait à la paix, à la réconciliation, fût-elle réellement utile à leurs intérêts, ne serait jamais adoptée par eux. Il y aurait dans de telles mesures une sorte de relâchement, de calme incomparable avec l'agitation intérieure, avec l'âpreté convulsive de tels hommes. Plus ils étaient nés avec des facultés sensibles, plus l'irritation qu'ils éprouvent est horrible. Il vaut mieux, en fait de crime, avoir affaire à ces êtres corrompus, pour qui la moralité n'a jamais été rien, qu'à ceux qui ont eu besoin de se dépraver, de vaincre quelques qualités naturelles. Ils sont plus offensés du mépris, ils sont plus inquiets d'eux-mêmes, ils s'élancent plus loin pour mieux se séparer des combinaisons ordinaires, qui leur rappelleraient les anciennes traces de ce qu'ils ont senti et pensé. Quand une fois les hommes sont arrivés à cette horrible période, il faut les rejeter hors des nations, car ils ne peuvent que les déchirer. L'ordre social, qui placerait un tel criminel sur le trône du monde, ne l'apaiserait pas envers les hommes, ses esclaves. Rien de restreint dans des bornes fixes, fût-ce le plus haut point de prospérité, ne peut convenir à ces êtres furieux qui détestent les hommes comme des témoins de leur vie. Le plus énergique d'entre ces monstres finit par devenir avide de la haine, comme on l'est de l'estime. La nature morale dans les esprits ardents tend toujours à quelque chose de complet, et l'on veut étonner par le crime quand il n'y a plus de grandeur possible que dans son excès. L'agrandissement de soi, ce désir qui, d'une manière quelconque, est toujours le principe de toute action au dehors, l'agrandissement de soi se retrouve dans l'effroi qu'on fait naître. Les hommes sont là pour craindre, s'ils ne sont pas là pour aimer. La terreur qu'on inspire, flatte et rassure, isole et enivre, et, avilissant les victimes, semble absoudre leurs tyrans. Mais je m'aperçois qu'en parlant du crime, je n'ai pensé qu'à la cruauté. La Révolution de France concentre toutes les idées dans cette horrible dépravation. Et après tout, quel crime y a-t-il au monde, si ce n'est ce qui est cruel, c'est-à-dire ce qui fait souffrir les autres? Et de quelle nature est celui qui, pour son ambition, a pu donner la mort? De quelle nature est celui qui s'est bravé tout ce que cette idée a de solennel et de terrible, cette idée dont le retour immédiat sur soi-même devrait effrayer tout ce qui veut vivre? Cet acte irréparable, cet acte qui seul donne à l'homme un pouvoir sur l'éternité et lui fait exercer une faculté qui n'est sans borne que dans l'empire du malheur, cet acte, quand on a pu dans la réflexion le concevoir et l'ordonner, jette l'homme dans un monde nouveau. Le sang est traversé. De ce jour, il sent que le repentir est impossible, comme le mal est ineffaçable. Il ne se croit plus de la même espèce que tout ce qui traite du passé avec l'avenir. Si l'on pouvait encore avoir quelques prises sur un tel caractère, ce serait en lui persuadant tout à coup qu'il est absolument pardonné. Il n'est peut-être point de tyran, même le plus prospère, qu'il ne voulût recommencer avec la vertu, s'il pouvait anéantir le souvenir de ses crimes. Mais d'abord, il est presque impossible, quand on le voudrait, de persuader à un coupable qu'on l'absout de ses forfaits. L'opinion qu'un criminel a de lui-même est d'une morale plus sévère que la pitié qu'il pourrait inspirer à un honnête homme. Si d'ailleurs il est contre la nature des choses qu'une nation pardonne, quand même son intérêt le plus évident devrait l'y engager. Il faudrait accueillir la première lueur du repentir comme un engagement éternel, et lier par leurs premiers pas ceux qui peut-être les commençaient au hasard. Mais à peine un individu a-t-il assez de force sur lui-même pour suivre une telle conduite sans se démentir? Par quel moyen peut-on confier à la foule un plan qui ne peut réussir que s'il n'a jamais l'air d'en être un? Comment faire adopter au grand nombre une marche combinée qui doit avoir l'apparence d'un mouvement involontaire et mouvoir la multitude à l'aide du secret de chacun? Un homme véritablement criminel ne peut donc point être ramené. Il possède encore moins de moyens en lui-même pour recourir aux leçons de la philosophie et de la vertu. L'ascendant de l'ordre et du beau moral perd tout son effet sur une imagination dépravée. Au milieu des égarements qui n'ont pas atteint cet excès, il reste toujours une portion de soi qui peut servir à rappeler la raison. On a senti dans tous les moments une arrière-pensée, qu'on est sûr de retrouver quand on le voudra. Mais le criminel s'est élancé tout entier. S'il a du remords, ce n'est pas de celui qui retient, mais de celui qui excite de plus en plus à des actions violentes. C'est une sorte de crainte qui précipite les pas. Et d'ailleurs, tous les sentiments, toutes les sources d'émotions, tout ce qui peut enfin produire une révolution dans le fond du cœur de l'homme n'existant plus, il doit suivre éternellement la même route. Je n'ai pas besoin de parler de l'influence d'une telle frénésie sur le bonheur. Le danger de tomber d'un tel état est le malheur même qui menace l'homme abandonné à ses passions. Et ce danger seul suffit pour épouvanter de tout ce qui pourrait y conduire. Il n'y a que des nuances à côté de cette couleur. Et les poètes anciens ont si bien senti ce que cette situation avait d'épouvantable que s'aidant pour la peindre de tous les contes allégoriques de la mythologie, ce n'est pas la souffrance seule du remords, mais la douleur même de la passion qu'ils ont exprimée dans leur tableau des enfers. La plus grande partie des idées métaphysiques que je viens d'essayer de développer sont indiquées par les fables reçues sur le destin des grands criminels. Le tonneau des Danaïdes, Sisyphe roulant sans cesse une pierre et la remontant au haut de la même montagne, pour la rouler en bas de nouveau, sont l'image de ce besoin d'agir, même sans objet, qui force un criminel à l'action la plus pénible, dès qu'elle le soustrait à ce qu'il ne peut supporter, le repos. Tantale, approchant sans cesse d'un but qui s'éloigne toujours devant lui, peint le supplice habituel des hommes qui se sont livrés au crime. Ils ne peuvent atteindre à aucun bien ni cesser de le désirer. Enfin, les anciens poètes philosophes ont senti que ce n'était pas assez de peindre les peines du repentir, qu'il fallait plus pour l'enfer, qu'il fallait montrer ce qu'on éprouvait au plus fort de l'enivrement, ce que faisait souffrir la passion du crime, avant que par le remords eux-mêmes, elle eût cessé d'exister. On se demande pourquoi, dans un état si pénible, les suicides ne sont pas plus fréquents, car la mort est le seul remède à l'irréparable. Mais de ce que les criminels ne se tuent presque jamais, on ne doit point en conclure qu'ils sont moins malheureux que les hommes qui se résolvent au suicide. Sans parler même du vague effroi que doit inspirer au coupable ce qui peut suivre cette vie. Il y a quelque chose de sensible ou de philosophique dans l'action de se tuer, qui est tout à fait étranger à l'être dépravé. Si l'on quitte la vie pour échapper aux peines du cœur, on désire laisser quelques regrets après soi. Si l'on est conduit au suicide par un profond dégoût de l'existence qui sert à juger la destinée humaine, il faut que des réflexions profondes, de longs retours sur soi, aient précédé cette résolution. Et la haine qu'éprouve l'homme criminel contre ses ennemis, le besoin qu'il a de leur nuire, lui ferait craindre de les laisser en repos par sa mort. La fureur dont il est agité, loin de le dégoûter de la vie, fait qu'il s'acharne davantage à tout ce qui lui a coûté si cher. Un certain degré de peine décourage et fatigue. L'irritation du crime attache à l'existence par un mélange de crainte et de fureur. Elle devient une sorte de proie qu'on conserve pour la déchirer. D'ailleurs, un caractère particulier aux grands coupables, c'est de ne point s'avouer à eux-mêmes le malheur qu'ils éprouvent. L'orgueil leur défend. Mais cette illusion, ou plutôt cette gêne intérieure, ne diminue rien de leur souffrance, car la pire des douleurs est celle qui ne peut se reposer sur elle-même. Le scélérat est inquiet et défiant au fond de sa propre pensée. Il traite avec lui-même comme avec une sorte d'ennemi, il garde avec sa réflexion quelques-uns des ménagements qu'il observe pour se montrer au public. Et dans un tel état, il n'existe jamais l'espèce de calme méditatif, d'abandon à la réflexion, qu'il faut pour contempler toute la vérité et prendre d'après elle une résolution irrévocable. Le courage qui fait braver la mort n'a point de rapport avec la disposition qui décide à se la donner. Les grands criminels peuvent être intrépides dans le danger. C'est une suite de l'enivrement, c'est une émotion, c'est un moyen, c'est un espoir, c'est une action. Mais ces mêmes hommes, quoique les plus malheureux des êtres, ne se tuent presque jamais. Soit que la Providence n'ait pas voulu leur laisser cette sublime ressource, soit qu'il y ait dans le crime une ardente personnalité qui, sans donner aucune jouissance, exclut les sentiments élevés avec lesquels on renonce à la vie. Hélas, il serait si difficile de ne pas s'intéresser à l'homme plus grand que la nature, alors qu'il rejette ce qu'il tient d'elle, alors qu'il se sert de la vie pour détruire la vie, alors qu'il s'est dompté par la puissance de l'âme le plus fort mouvement de l'homme, l'instinct de sa conservation. Il serait si difficile de ne pas croire à quelque mouvement de générosité dans l'homme qui, par repentir, se donnerait la mort, qu'il est bon que les véritables scélérats soient incapables d'une telle action. Ce serait une souffrance pour une âme honnête que de ne pas pouvoir mépriser complètement l'être qui lui inspire de l'horreur.